Exercice 6, page 100. A. Je l'ai eu à moins 15%. B. Je l'ai eu à moins 20%. C. Je l'ai eu à moins 30%. D. Je l'ai eu à moins 40%. E. Je l'ai eu à moins 50%. F. Je l'ai eu à moins 35%.